19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et bien, comment allez-vous en ce mardi pluvieux, venteux et tout ce qu'on veut? Et bien, je crois qu'on est bien chez soi, confortablement installé dans son fauteuil et prêt à écouter 2 heures de métal pour décrasser ce qui peut rester encore un peu de cérumen au fin fond des tympans. Et croyez-moi, après ces 2 heures, il n'y aura plus rien, tout sera propre, tout sera nickel, comme chaque semaine d'ailleurs. Sinon, ce qui vous attend cette semaine, eh bien, des nouveautés qui seront au nombre de 4. Et aussi un double hommage à Cliff Burton et à John Bonham, voilà, comme tous les ans, à cette époque-ci. Eh bien, on va commencer tout de suite avec une de ces nouveautés, d'ailleurs, qui nous vient de Hongrie avec le groupe Road. Je prononce comme ça, parce que je ne sais pas si comme ça se prononce en hongrois, qui nous présente, donc, que vous connaissez certainement si vous êtes des fidèles auditeurs, puisque l'année dernière, si vous vous souvenez bien, on avait passé pas mal d'extraits de leur dernier album studio, que j'avais beaucoup apprécié. Et là, ils nous sont revenus cet été avec leur premier best-of. Il faut dire qu'ils existent depuis bientôt 20 ans, et qu'ils ont 7-8 albums, plus de 3 DVD live sous le comptoir, donc ce qui fait déjà quand même pas mal. Et donc, ça, c'est leur premier best-of, qui s'appelle Onantol Edig, best-of Road. J'espère que je prononce à peu près bien. Alors, ce best-of, pour le rendre un petit peu attractif, bien sûr, il y a des extraits de toute leur carrière. Il y a 4 morceaux des premiers albums qui ont été réenregistrés et un morceau inédit d'ailleurs qui donne son titre à l'album. Alors, pour le morceau de ce soir, ce que je vous choisis, c'est un des morceaux réenregistrés qui s'appelle Visa Alum. Voilà, excusez-moi encore une fois pour la prononciation. Donc, je vous invite à découvrir tout de suite maintenant. Beeskecülnek 50 sima bal ki, és sima bal tő át, sima jobb fűszéle, itt a sima fűszéle mögött a 100 és bal 5 russzoló. Anyamba karmol a hangja, imádom ezt a zajt, az aszfalt megfeszül, az összes kerék hajt. Vissza három padlógázon, szívom a füstöt, figyelem a port és azt hiányzom. Te dobosod tetőre, vagy inkább szóljad neki, kirincs előre a kanyarban, meg csak keresztben. Ilyen a olajban, az erekben, húz a pályán, ráz a színén, kövér gáz, kézi fék az út végén. Gyilkosabb tempó,

Robot avec un petit extrait de dernier album tout chaud tout bouillant Mother Brains qui est leur quatrième et c'était Drown. Juste avant Crobot, Volbeat qui sera en concert à Paris à l'Olympia dimanche soir, après un concert à mon avis grandiose. Un petit extrait donc de Rewind, Replay, Rebound, dernier opus sorti début août et c'était Last Day Under the Sun. Tiens, j'ai une petite question à vous poser, vous faites quoi demain soir? Et ben, si vous savez pas quoi faire, et puis quand bien même, ben, vous décommandez ce que vous avez prévu, et vous venez au Blue Devils pour venir voir Blaze Bayley, l'ancien chanteur d'Iron Maiden, qui revient à Orléans. Il était venu donc l'année dernière, en printemps 2018. Là, il revient à nouveau pour un show apparemment complètement dédié à Maiden. Donc, il va nous faire que des extraits donc de X-Factor et de Virtual Eleven, les deux albums auxquels il a participé. Vous allez peut-être me dire que c'est pas les meilleurs, c'est vrai, mais bon, il y a quand même de très bonnes choses. Puis, Blaze Bayley est un frontman éminemment sympathique, ça, il n'y a pas à dire. Vraiment, qui a un très bon contact avec le public. Et c'est l'assurance de vraiment passer un très très bon moment. D'ailleurs, ça commence à 8h. Enfin, en tout cas, moi, j'y serai, ça, c'est sûr. Eh bien justement, on va se faire un petit extrait du dernier live in France sorti au printemps dernier. On va y revenir avec justement un petit extrait d'un morceau un classique tout à fait, un morceau de Iron Maiden justement, qui est The Angel and the Gambler, où il s'amuse à discuter avec le public. my very special guest, all the way from Iced Earth and Absolver, the incredible talent of Luke Appleton. On all three parts of the trilogy, the incredible bass, power, and melody and precision of Carl the Shark Trap. The producer, alongside me, of each part of the trilogy, an amazing songwriter, a huge talent as a guitarist, the amazing Chris Appleton! Tournons sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, la première demi-heure d'Electric Shock vient de s'achever à l'instant avec Blaze Bailey et sa reprise survitaminée de The Angel and the Gambler, un morceau d'Iron Maiden qu'on peut retrouver donc sur ce Live in France qui était sorti au printemps dernier. Je vous rappelle, donc Blaze Bailey sera en concert demain soir au Blue Devils à Orléans à partir de 20h. À ne pas rater ça, croyez-moi. La suite, eh bien, ça va être la deuxième nouveauté de la soirée. On va se faire un groupe qui nous vient de la région parisienne, dont c'est le deuxième EP, ce qui s'appelle Remember the Light. Alors, Remember the Light, c'est un groupe qui existe depuis 2014, qui fait dans le métal symphonique à chanteuse. Vous allez me dire, encore un plus, qui est encore en train de marcher sur les traces de Nightwish et de Epica. C'est pas faux, c'est clair que ces deux groupes ont influencé le groupe, mais malgré tout, ils ont réussi quand même suffisamment digérer ces influences pour en faire quelque chose de très personnel. Le tout est fait d'une très bonne production. Il faut dire que ce style, ça ne demande pas, ça demande vraiment ce genre de choses parce que c'est une production médiocre. À mon avis, ça gâche tout pour ça. Le talent est là, l'interprétation est là aussi, et on se laisse très vite prendre au jeu. C'est vrai que ce genre de groupe, musicalement, on va dire quand même, c'est extrêmement balisé, donc c'est très difficile de faire quelque chose de très original. Mais je pense que Remember the Light a vraiment beaucoup de potentiel. Donc c'est leur deuxième EP qui est sorti, il y a peut-être ça à peu près un an maintenant. Mais bon, je l'ai reçu là il y a quoi, quelques semaines. Et puis là, je pense qu'ils vont se mettre à faire quelques concerts dans la région parisienne, donc peut-être qu'ils viendront par chez nous, donc à suivre. Donc ce EP s'appelle The Outcome, et le morceau que je vous ai choisi ce soir s'appelle Blooming, mais avant, il y a une petite intro qui s'intitule A Few Years Ago. Blooming a Few Years Ago, extrait donc The Outcome, le deuxième EP des Parisiens de Remember the Light, deuxième nouveauté de la soirée. Sympa, hein, vraiment, donc je vous invite à découvrir. Bon, fini le royaume des fées. Maintenant, on va passer du côté sombre, du côté obscur, et pour ça, on va revenir au nouvel album de Korn, The Nothing, le néant, qui est très sombre. En fait, vous allez me dire, quel album de Korn n'est pas sombre, mais celui-là, je crois, l'est particulièrement, quand on sait, bah, évidemment, la raison pour laquelle Jonathan Davis l'a écrit, c'est la mort de son ex-femme qui l'a vraiment bouleversé, et on peut dire que ça s'entend vraiment de partout, de tous les pores de cet album, que je trouve vraiment magnifique. On va se faire un petit extrait qui s'appelle The Seduction of Indulgence, tout de suite maintenant. Touching me, raping me, scanning me, stabbing me, touching me. Si vous êtes dépressif, vraiment à éviter, mais par contre si vous ne l'êtes pas, à écouter sans modération. C'était donc Korn, Finally Free et The Seduction of Indulgence, tous deux extraits de The Nothing, leur dernier album qui est leur 13e et qui est sorti alors le vendredi 13 septembre. Et il y a également 13 titres, voilà. Continuons avec quelque chose maintenant de beaucoup plus rock'n'roll, avec le nouveau CD-DVD de Slash, Living the Dream Tour, enregistré donc à Londres en février dernier pendant la promotion du dernier album Living the Dream. Bientôt à se demander si l'ami Slash il va pas faire plus de live que d'albums studio, puisque on en est déjà, l'ami Slash en est déjà à 4 albums studio sous son propre nom. On ne compte pas ce qu'il a fait avant avec Slash Snake Pit, voilà, je suis arrivé à le dire. Et puis c'est quand même déjà le 3e live. Donc maintenant, avec cette carrière assez variée, il y a des extraits donc de ces fameux 4 albums. Ben là, pour ce soir, je nous ai choisi un extrait donc de son premier album, qui en fait était vraiment un album solo à bien dire, puisqu'en fait, il s'était entouré de tout. Il avait, à mon avis, il a pris son petit carnet d'adresses et il a demandé à tous ses copains de venir chanter sur son album qui était sorti en 2010. Je me souviens qu'à l'époque, on en avait passé d'ailleurs pas mal dans Electric Shock de cet album. Alors ses copains, c'est qui? Ben, c'est Ian Astbury, c'est Ozzy Osbourne, c'est Fergie, des Black Eyed Peas. On y retrouvait Chris Cornell, le regretté Chris Cornell de Soundgarden, Andrew Stockdale de Wolfmother, on y retrouve Adam Levine de Maroon 5, c'est un peu plus particulier, Kid Rock, M Shadows, Miles Kennedy qui maintenant est le chanteur attitré de Slash, ainsi qu'Iggy Pop, et puis il y avait également l'ami Killmister de Motorhead, R.I.P. Et ben justement, il a interprété en hommage donc le morceau Dr. Alibi là. Mais c'est pas Miles Kennedy qui s'en charge, parce que c'est le bassiste Todd Kearns. Et on va découvrir tout de suite ce que ça donne maintenant, donc ce morceau très motorédien par Todd Kearns. Doctor, said you're feeling sick. crowd, a great friend of ours, Mr. Eddie Clark. Come on, fast Eddie, come on out. This one's called Ace of Spades, thank you. J'imagine que vous avez reconnu sans problème le Ace of Spades, le classique de Motorhead. Bah, c'était Saxon, là, avec un invité de marque. Hein, si vous avez bien écouté juste avant, et l'ami Biff vous a dit qu'il s'agissait. Fast Eddie Clark, et oui, l'ancien guitariste de Motorhead, donc qui était venu épauler les gars en hommage donc à Lemmy avec ce morceau légendaire. Fast Eddie, qui lui aussi paie à son âme puisqu'il a disparu en janvier 2018. C'est vrai que maintenant il reste plus personne du line-up de Motorhead. Et ça, c'est extrait sur l'album The Eagle Has Landed 40 Live, qui est sorti cet été pour célébrer donc les 40 ans de carrière de Saxon. 40 morceaux live enregistrés un petit peu partout entre 2007 et 2018 avec plein de surprises comme celle petite là. D'ailleurs, si vous voulez voir Saxon en concert, il va falloir attendre encore un petit peu puisque les dates là, anglaises et allemandes qui étaient prévues là, pour le mois d'octobre, eh bien, sont reportées au printemps prochain puisque l'ami Biff a des petits ennuis de santé, et donc à suivre en attendant. Tiens, au fait, si vous êtes fan de Motorhead aussi, fin octobre va sortir un superbe coffret contenant donc les rééditions de Overkill et de Bomber pour leur 40e anniversaire, remasterisé, incrémenté aussi donc de deux live bonus de l'époque en vinyle, avec aussi des démos, des face B, plein de choses. Une réplique du tour programme de l'époque, un bouquin avec des photos, des badges, enfin plein de gadgets comme ça. Et si vous êtes un peu moins fortuné, bah, vous pourrez vous contenter donc des rééditions d'Overkill et de Bomber qui seront incrémentées par contre des lives de l'époque. Donc ça à suivre, croyez-moi que d'ici fin octobre, je pense qu'il y en aura dans Electric Shock, ça c'est sûr. Juste avant Saxon, c'était Slash, le guitariste de Guns N' Roses, avec un petit extrait de son dernier live, Living the Dream Tour, et c'était Dr. Alibi, un morceau à l'origine chanté par le regretté Lemmy. Et bien maintenant, on va se faire une petite nouveauté. On va faire un petit tour du côté de Marseille et découvrir le premier album du groupe Micmac, qui vient donc de sortir tout chaud tout bouillant. C'est un groupe tout récent puisqu'il s'est formé en février 2018. Et ils n'ont pas perdu de temps puisqu'ils viennent de sortir leur premier album là, qui s'appelle Groovy Wonderland, tout un programme. Alors c'est du métal alternatif comme il s'en fait beaucoup. Le groupe dit qu'il est influencé par Freak Kitchen, Bumblefoot, Stone Sour Angra, Five Finger Death Punch, ouais, on peut y retrouver un peu de tout ça et puis bien d'autres choses bien sûr. On y va maintenant, on va à Marseille, et bien d'abord Numancia. We'll be right back. jamais rien. C'est mort, c'est mort, c'est mort. On nous a donné la vie, ce cadeau empoisonné. Vas-tu vraiment subir encore, encore, encore. Le temps va nous mettre à mal, jusqu'à tous tomber malades. Complètement désabusé. D'avoir cru en nos destins, d'avoir essayé en vain de nous être accrochés pour rien. On sait déjà tous que t'es l'envie d'un homme. On n'a plus qu'à se laisser tomber. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Encore, encore et encore. Les gens qui comptent pour toi ne seront pas toujours là. Rien ne perdure jamais. C'est mort, c'est mort, c'est mort. On souhaite naïvement la paix, mais pourquoi les gens changeraient? Les hommes se feront la guerre. Encore, encore, encore. Que crois-tu vraiment unique? Que crois-tu pouvoir changer? Combien de temps penses-tu leur manquer? Il faut enlever nos œillères. Le seul vrai chemin c'est clair. Avançons-nous vers la lumière. On sait déjà tous que t'es l'envie d'un homme. On n'a plus qu'à se laisser tomber. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Encore, encore, encore. Se laisser tomber, c'était les Niortais de Helix et leur EP Annihilation partie 1. Juste avant une des nouveautés de la semaine, Mick Mac qui nous vient de Marseille et son premier album Groovy Wonderland, et c'était le morceau Numancia. Et ouais, il est déjà 20h04 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et bien la première heure d'Electric Shock s'est achevée, c'est vrai que le temps passe très très vite. On va attaquer la deuxième avec une des grosses sorties de cette rentrée, c'est le nouvel album de Slipknot, We Are Not Your Kind. Slipknot, une fois de plus, qui nous montre qu'il évolue. Le style reste le même, mais que malgré tout, il y a une très nette évolution. Je vous invite à y découvrir un petit extrait qui s'appelle Nero Forte, mais juste avant, petite intro qui s'appelle Death Because of Death. Ouh, tout un programme. Because of you. because of death, because of you. Death because of death, because of you. Death because of you. Yeah, baby. vous êtes grillé quelques neurones, bien évidemment, et si vous grillez des neurones, c'est que vous écoutez Electric Shock. Electric Shock sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 tous les mardis entre 19h et 21h. À l'instant, les Fous Furieux de Slipknot avec leur album We Are Not Your Kind, Nero Forte et la petite intro Death Because of Death, et Slipknot qui sera en concert à l'Accor Arena Hotel, j'ai vraiment du mal avec ce nom-là, en compagnie de Behemoth au mois de janvier prochain. Une bien belle soirée en perspective. Pour nous remettre de nos émotions, on va se passer quelque chose de beaucoup plus cool. Et pour ça, on va revenir au live de Lee Aaron, de la jolie Canadienne qui nous a émoustillé dans les années 80 et dont on avait perdu la trace, enfin moi, en ce qui me concerne, dans les années 90, et qui en fait n'a jamais arrêté. Et là, elle vient de nous sortir son premier CD DVD live qui s'appelle Power Soul Rock'n'Roll Live in Germany, qui est enregistré en partie à Nuremberg et au Bangured Festival. Et ben, on y retrouve un petit peu toute sa carrière. Et pour ce soir, on va choisir un morceau extrait de son album éponyme qui était sorti en 1987. Et vraiment, on voit qu'à l'époque, elle sortait d'une tournée avec Bon Jovi, parce que ce morceau est très influencé Hard FM, comme c'était Powerline. We'll be right back. I had a Portillo's chopped salad today. Made my day. Made my day. I miss you guys. We'll miss you, but we're coming back soon. We love you, Chicago. You got one more chance to make it on our live recording, and I want to hear some Baby That's Over. And I mean, I want to hear some Baby That's Over. Thank you. Age of a Broken Heart, un classique de Vixen qu'on peut trouver sur le Live Fire qui était sorti en 2018. Juste avant, c'était le premier live de Lia Ron, jolie canadienne, née sous son album Power Soul Rock and Roll Live in Germany, CD DVD, et c'était un de ses classiques également, Powerline. Maintenant, on va se faire du pur metal made in Magyar, que vous connaissez parce qu'on en a passé la semaine dernière. C'est le groupe Omen et son 11e album Alal Fogitiglan. Alors, ne me demandez pas ce que ça veut dire ni comment ça se prononce, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que Omen, c'est un des groupes phares de la scène metal hongroise. Et que je crois que cet album, d'après ce que j'ai cru voir, il était déjà double platine en Hongrie 2 semaines après sa sortie quand même. Bravo pour l'exploit. Le morceau de ce soir s'appelle, je m'excuse encore une fois pour la prononciation, Azlez Ami Volt. Désolé, je me suis trompé de platine. For your word, chill of old Lincoln, strong man is sword. Vagy a búja, hogy vagyok még, buta istenek előtt. Ez a kocsma is épp elég jó, hogy itt gyűrjem az időt. Holnap éppen így lesz, mitől lenne más. Nézd körül, hogy lehetne bármi változás. Az lesz, ami volt, nekünk való. Lehetne jó, de nem volna jó. Még változni kéne, és az nehéz. Ez van és kész. Sötétben is beszélgetünk, merre tart a világ. És a holnapban holnap lesz a helyünk, ott is szívunk-e tovább. Félek, éppen így lesz, mitől lenne más. Nézd körül, hogy lehetne bármi változás. Az lesz, ami volt, nekünk való. Lehetne jó, de nem volna jó. Még változni kéne, és az nehéz. Ez van is kész. Ami volt, nekünk való. Lehetne jó, de nem volna jó. Még változni kéne, és az nehéz. Ez van is kész. Az lesz, ami volt, nekünk való. Lehetne jó, de nem volna jó. Még változni kéne, és az nehéz. Ez van is kész. We'll be right back. des apocalypses. Le sérum coule dans mes veines. Mutation irréversible, je ne serai plus le même. Contemplation erronée, mon reflet s'en trouve contrarié. Suprématie divine, on m'appelait Griffin. Mettre le monde à mes pieds pour me libérer. Je suis prisonnier de ce syndrome. Anomalie dissimulée, le monde s'apprête à redouter. Fureur, insanité, le mal me pousse à décimer. Bandage, disparition, la folie m'emporte vers le fond. Même si je résiste, seul l'esprit subsiste. Mettre le monde à mes pieds pour me libérer. Je suis prisonnier de ce Goyand avec le syndrome, extrait du son double album Crypt Show à l'instant. Juste avant, c'était les Hongrois de Omen et leur album Halal Fogy Tiglan, qui est leur 11e sortie cet été. C'était Azlez Amivolt. Encore une fois, je m'excuse pour la prononciation. On attaque la dernière demi-heure avec la dernière, quatrième et dernière nouveauté de la soirée. On va changer de style avec quelque chose de beaucoup plus cool. Quelque chose, un artiste que bah, les auditeurs et les auditrices d'Electric Shock connaissent, puisqu'on en a déjà diffusé son précédent album. Il s'agit de Tio Manuel, qui vient de nous sortir son 7e album, qui s'appelle tout simplement The Seventh Road. Alors, Tio Manuel, c'est un vétéran de la scène punk rock alternative des années 80, mais depuis, on va dire maintenant, une bonne quinzaine d'années, il s'est complètement changé de registre. Il fait plutôt dans ce qu'on appelle l'Americana, vous savez, ce genre de musique qu'on aime écouter quand on est en plein dans le désert avec une décapotable en se disant la vache, j'aimerais bien faire le plein d'essence et boire quelque chose de frais. C'est tout à fait le genre de musique qui irait avec ce genre d'atmosphère. Donc un petit extrait de cet album The Seventh Road, un morceau qui porte bien son nom, qui s'appelle Flamingo Blues. Puerta del Moro. We're on the road again. We're on the road again. We're on the road again. Desert and the sea. And I've here go my friend. I've here go my friend. I've here go my friend. Flamingo flamenco. Been burning folklore. Sometimes takes a lifetime to do me el duende, señor. Se escucha mi hija. And just from your spirit, how could you understand burning lights if you just came across the limits? Del Moro, a man telling spirit tales, telling spirit tales, oh, spirit tales. Close your eyes and you will see the bodies drifting on the end of the sea, the end of the sea. Flamingo flamenco. Welcome to the land of gypsies, mothers and girls for all and me, from here to eternity. Some dreams are made for children, that's what the song says. But mine are real today, and I swear I'm gonna stay. Oh yeah. We'll be right back. avouer que si je vous avais dit je vous ai dégoté un artiste texan, vous auriez vraiment cru. Hein. Ben, moi, d'ailleurs, moi le premier aussi, hein, si j'avais pas eu la bio. Tio Manuel, donc, avec son Flamingo Blues, extrait de son 7e album The Seventh Road. Voilà, donc c'était la 4e et dernière nouveauté de la soirée. Ouais, mais ça veut pas dire qu'il y a encore des petites choses qui seraient inintéressantes. Bien au contraire, la preuve, puisqu'on continue avec le 4e album de Black Star Riders, le projet donc des anciens Thin Lizzy. En fait, on peut dire que c'est quasiment la continuation de Thin Lizzy, malgré tout. Another State of Grace, c'est le titre de l'album qui est sorti début septembre. Et In the Shadow of the War Machine, bah c'est le morceau qu'on va se mettre tout de suite maintenant. Junior started school today in the shadow of the war machine. The rent is due and the bills to pay in the shadow of the war machine. School today in the shadow of the war machine. The rent is due and the bills to pay in the shadow of the war machine. My mama's sick, I can't afford no doubt in the shadow. Les Anglo-Américains de Tanis et leur premier album In Another Time, que vous devez commencer un petit peu à connaître, parce que ça fait plusieurs semaines qu'on passe des extraits de cet excellent album. Là, c'était le morceau Mountain. Juste avant Tanis, c'était le moins excellent Black Star Riders avec leur quatrième opus Another State of Grace, et vous avez eu droit à In the Shadow of the War Machine. Tout à l'heure, en tout début d'émission, je vous ai dit que vous allez avoir droit à des nouveautés, un hommage à Cliff Burton et un hommage à John Bonham. Le voilà. Et pour ça, on va revenir donc à Physical Graffiti, qui est un des meilleurs albums de Led Zeppelin et un album légendaire de rock tout court, qui était sorti en 1975, était un double album à l'époque, qui était composé de chutes de studio, de morceaux inaboutis entre 69 et 73. Oui, pour des chutes comme ça, il y avait de quoi faire. Et pour ce soir, on va se mettre une version magnifique, enfin, le morceau original déjà est magnifique, de Cashmere. Mais là, je nous ai choisi une version Rough Orchestra Mix, donc qui met plutôt l'orchestre en avant. Et c'était un des premiers mix tentés par Jimmy Page. On peut trouver ça donc sur la version remasterisée de Physical Graffiti, qui était sortie en 2015 pour le 40e anniversaire de cet album vraiment mythique. Et tiens, aussi pour info, si vous ne savez peut-être pas aussi, John Bonham est le batteur le plus samplé en matière... vraiment, tous les artistes de techno, de rap, tout ça, ils samplent beaucoup, énormément l'œuvre de John Bonham. Donc ce morceau s'appelle Driving Through Cashmere. Oh, straight to feed. Waouh, ça c'est indémodable. Vous aurez reconnu Cachemire dans une version particulière, puisque c'est un mix différent de qui figure sur l'album. Ça, ça figurait sur la version remasterisée de Physical Graffiti en bonus. Le morceau donc était réintitulé Driving Through Cachemire. Et ça, c'était donc un hommage à John Bonham, qui a disparu maintenant il y a presque 40 ans, puisque c'était le 25 septembre 1980. On n'a pas oublié John Bonham ni Led Zeppelin. Bon, il nous reste encore le temps de faire un petit morceau. Bon, bah tiens, et si on revenait au Live in Japan Riot V, de Riot V sorti cet été, avec un petit morceau par exemple comme Metal Warrior, et bah tiens, ça c'est dédié à tous les auditeurs, les fous furieux et folles furieuses bien évidemment, qui écoutent Electric Shock tous les mardis soirs, Metal Warrior. Metal Warrior! Metal Warrior, extrait du Live in Japan 2018 de Riot V. Voilà, donc ce sera le dernier morceau d'Electric Shock ce soir. Merci d'avoir été à l'écoute une fois de plus de cette émission. Et ben, j'espère vous retrouver aussi nombreux la semaine prochaine, voire même plus, pour d'autres nouveautés et bien d'autres surprises. Bien évidemment, d'ici là, écoutez plein de métal, bien sûr, et Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment. Salut à tous, à la semaine prochaine.